temps que je passais à penser à vous, à vous. Où sont passés ces songes, ces jolis mensonges d'amour, d'amour? Silence pour les amours évaporés. Une minute de silence pour les amants séparés. 60 secondes dans le tourbillon du monde. 60 secondes. Ses amants, leurs promesses hélas s'effacent. Où s'en vont ses amants, leurs promesses hélas s'effacent. Silence pour les amours évaporés. Une minute de silence pour les amants séparés. 60 secondes dans le tourbillon du monde. 60 secondes. Silence pour les amours évaporés. Une minute de silence pour les amants séparés. 60 secondes dans le tour.